Yo. S'il fallait me découvrir, alors je commence par celui-là. Quand le soleil se couche, c'est là que se lèvent mes syllabes. Si je commence par la base, ce n'est pas que des belles images. Déjà petit, on frime moins le coup d'être à la place de limace. Je voulais juste un volant, histoire de tenir la route. Les petits, ça volait, ayant le plein du mazout. Donc on a peur de tout, que le bâton se retourne. Nos enfants grandiront au milieu de ça, le vautour. J'ai commencé ce texte, je devais avoir 13 ans. Quand j'ai perdu papa dans des conditions stressantes, fallait tenir ma main, surtout pas faire semblant. Le rap, c'est comme la boxe, sauf que je m'en sanglant. La rue m'a porté, bordé plusieurs soirs. Je me vois encore zoner, à barber ce rechauchoir. Petit, on a la dalle, on voit mon instrumental. Avec des petites miettes, je voulais faire une montagne. 20 ans après, je suis là, Dieu merci, je suis content. Des sourires qu'on me donne, car on ne compte que le temps. Oui, la parole est dingue, mais vole au-dessus des ténèbres. J'ai appris à rapper sur 10 millions de BPM. S'il fallait la refaire, je ferais exactement la même. Disons que mon public cousin est dans un monde parallèle. Des mixtapes, EP, des albums, c'est ce qui reste. Et mettre l'industrie. Vas-y, clique et puis meurs. En vrai, je sais rapper, mais je voulais pas être rappeur. Un artiste qui marche bien devait être un menteur. Un mentor, à mon tour, frère, je donne ça encore. Tant que la passion est là, je ferai ça avec le cœur. Tu nous parles que de cul, de ta petite queue. J'ai préféré Mob Deep et un petit pétard de peu. Aujourd'hui c'est le 2, on m'a dit demain c'est loin. Heureusement, j'ai peur de Dieu, je crois qu'on est plus humain. Bien sûr, on vivra mieux, laisse-moi prêcher l'espoir. J'en ai vu plusieurs partir avec la cam du soir. Oui, on refera l'histoire, c'est notre seule génération. Bien arroser nos racines et partager nos rations. On devient tous malades à croire qu'on a le remède. Fais un bisou à la grand-mère, envoie-moi une carte du bled. Le système jusqu'ici, je dirais qu'il aime trop ça. On a perdu Jackson, mama si, mama cosa. Vas-y, partage le gâteau, loin de l'or noir du Qatar. Rentrez qu'on peut les casser le compte à Neymar. Faut bien que je laisse une marque, je porte ce tailleur. Le flow d'un mitrailleur, le dab d'un vrai trappeur. Ma gueule, demi-portion. Ouais, c'est peut-être ça le rap. Laisse-nous vivre un petit peu. Qu'on m'admire un beau graphe. Vivre avec son temps. Je m'en fous des aristocrates.